Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Question 101. Des enfants quant à la science. Les enfants auraient-tu une science proportionnée à leur âge? Leur raison se serait développée successivement. 1. Les enfants seraient-ils nés avec une science parfaite? Quant à la science que les enfants auraient-tu en arrivant au monde, on ne peut en parler que d'après les lois de la nature, car l'autorité divine se tait à cet égard. Comme il est naturel que l'âme acquiert ses connaissances par le moyen des facultés sensitives, il est à croire qu'il ne serait pas né parfait sous le rapport de la science. Notre opinion est qu'il l'aurait acquise avec le temps, mais facilement, soit par eux-mêmes, soit par des maîtres. En attendant, ils auraient eu celle qui convenait à leur âge, pour se conduire avec justice, les principes généraux du droit, que nous connaissons naturellement, ils les auraient possédés mieux que nous. 2. Les enfants auraient-ils eu, en naissant, le parfait usage de leur raison? L'usage de la raison, nous l'avons dit, dépend, à beaucoup d'égards, des facultés sensitives, qui, à leur tour, sont si bien attachés aux organes du corps que, ceux-ci ne fonctionnant pas, tout est paralysé, le sentiment comme la raison. Or, dans les enfants, l'extrême humidité du cerveau empêche les forces sensitives, et de là vient qu'ils n'ont l'usage, ni de leur raison, ni de leur sens. Ils n'auraient donc pas eu, dans l'état d'innocence, le parfait usage de leur raison aussitôt après leur naissance. Leur intelligence se serait développée plutôt qu'elle ne le fait maintenant, mais toujours d'une manière proportionnée aux actions propres à leur âge, c'est la remarque que nous avons également faite en parlant de l'usage de leurs membres. Note. Dans les êtres soumis aux lois de la génération, la nature va de l'imparfait au parfait. Les animaux eux-mêmes n'ont pas, en naissant, toutes les industries instinctives que, plus tard, nous voyons en eux. Les oiseaux apprennent à leurs petits la manière de voler, et l'on pourrait citer d'autres faits analogues chez les différentes espèces d'êtres animés. Fin de la note.